dit. Tu me réveilles toujours, mais aujourd'hui je vis sans ton amour. Tu me manques comme Alain Soral manque Comédia. Et comme Marc-Edouard Nab manque à ma bibliothèque. Je t'aime, mais toi, ouais, tu t'en fous bien de moi. Je t'aime, mais toi, tu t'en fous bien de moi. Je n'irai pas voir Iron Man 3, j'ai déjà trop donné à d'autres filles qui aujourd'hui vont toutes snober. Je te parlerai comme à une amie, mais la plus belle de toutes. Je deviendrai beau comme Benoît Marzec et me frapperai avec une poutre. Je t'aime, mais toi, oui, tu t'en fous bien de moi. Je t'aime, mais toi, tu t'en fous bien de moi. Je t'aime, wow. Je t'aime, wow. Je t'aime.